Iraq, after Jazeera, we are going for you, Barack Obama. Cette semaine, le nerf de la guerre. Oh mes frères de France, mes frères Allah de France, d'Europe et du monde entier, Inch'Allah. Le djihad en Syrie, il est obligatoire. Le djihad en Syrie, il est obligatoire. Dans les dernières heures de la bataille, les derniers djihadistes encerclés ayant tenté une ultime sortie, la mort change de camp. L'ampleur des frappes, leur répétition, leur permanence a permis de bloquer Daesh. Terrorisme et financement. Le financement du terrorisme est au cœur de notre semaine. Nous avons rencontré, pour évoquer ce sujet, Denis Boulard et Fabien Pilliu, co-auteurs de l'ouvrage « L'argent de la terreur » paru chez First. Et nous commençons par Denis Boulard. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Denis Boulard. Je suis journaliste indépendant. Je travaille notamment pour des journaux comme Le Canard Enchaîné. Et j'écris des livres depuis 2001, des livres essentiellement d'enquête. J'ai ainsi travaillé sur les notaires, j'ai travaillé sur l'économie des radars automatiques qui sont supposés nous sauver les vies en France, sur les routes. J'ai travaillé sur le patrimoine national, l'économie du tabac et également sur l'argent de la terreur, c'est-à-dire l'argent que les terroristes arrivent à utiliser pour mener à mal leurs opérations. Bonjour à tous, je me présente Fabien Pilliu, je suis auteur, j'ai été journaliste durant une vingtaine d'années dans différents journaux économiques français. J'ai passé une quinzaine d'années à la Tribune, auparavant je suis passé par les rédactions de des Échos, un petit peu d'Expansion, de l'Express, du Nouvel Obs, pour qui j'ai pigé pas mal de temps. Et aujourd'hui, je suis en charge au sein du cabinet de conseil EY, anciennement Ernst & Young, de ce qu'on appelle en anglais le Content Lab. Autrement dit, c'est le pôle rédactionnel ou le laboratoire des contenus. Et l'idée, c'est de, au sein de ce laboratoire, de faire rayonner l'expertise des consultants et des 130 000 employés d'Ernst & Young. Qu'est-ce que cette branche ajoutée au premier tronc? À quoi est-elle due pour vous, le besoin de varier et ne pas seulement se contenter d'être journaliste? Vous êtes défini comme auteur. Oui, je me suis défini comme auteur car ce livre, L'argent de la terreur, que l'on a coécrit avec Denis Boulard et Guillaume Perrier qui étaient présents au Proche-Orient, n'est pas le premier. On a écrit avec Denis un livre quelques années auparavant. Qui s'appelle toujours À qui appartient à la France, toujours disponible dans les bonnes librairies. Et auparavant, moi, j'ai écrit, j'ai plus le nombre en tête, 3-4 livres économiques sur l'export en France, sur les entreprises en France, comment faire grandir son entreprise en France, des choses comme ça. J'ai même fait un guide pour l'étudiant qui est comment étudier aux États-Unis. Donc, auteur. Et puis, j'ai d'autres livres dans les cartons. Et donc, ce nouveau métier, ce nouveau travail, c'est une extension au travail précédent? C'est très intéressant, c'est une très bonne question. Je vous remercie. Ça me fait plaisir. J'ai quitté la presse m'a quitté, vous savez, c'est difficile de travailler dans la presse en France. Je crois qu'en Suisse, c'est pas non plus très très reluisant et très facile. Même le New York Times a ses difficultés. Tout le monde a ses difficultés, le secteur est confronté à des ruptures technologiques qui font qu'on n'a pas encore trouvé la bonne méthode pour continuer à conserver des lecteurs, à en avoir davantage et puis surtout à les faire payer. On a décidé dans les années 90 que l'information devait être gratuite, ce qui est une énormité. Donc maintenant, on paye les pots cassés et des centaines, des milliers de journalistes se retrouvent sans boulot. Donc, j'ai décidé de prendre un virage et j'ai travaillé avec le cabinet EY avec qui j'avais des contacts pour réfléchir à la façon dont on pourrait collaborer ensemble. Et l'idée pour eux, justement, c'est un peu ce que je vous expliquais en préambule, c'est que cette posture de journaliste, cette posture journalistique est très intéressante pour eux, ce qui leur permet de réfléchir un petit peu différemment. Et pour moi, ce qui est psychologiquement, intellectuellement très intéressant, c'est que j'ai pas du tout l'impression d'avoir changé de métier. C'est-à-dire que c'était un petit peu comme si j'étais passé rédacteur en chef d'un journal et d'avoir mes journalistes, mon service, et au lieu que ce soit des jeunes gens frais, moulus de l'école, ce sont des associés, ce sont des experts sur leur sujet, et je leur demande d'écrire, et on écrit ensemble parfois, et je relis leurs copies, et quand c'est pas très très bon, ben on recommence. Donc en fait, j'ai vraiment pas vraiment l'impression d'avoir changé de métier. En revanche, ce qui est très très intéressant, c'est aussi pour ça que ça a bien fonctionné avec EY et qu'on est tombé d'accord dans la construction de ce poste, qui est vraiment voilà un truc, quelque chose qu'on a sur lequel on a réfléchi ensemble. C'est que je traite les sujets que je traitais déjà lorsque j'étais journaliste à la Tribune, c'est-à-dire la politique économique du gouvernement, notamment en faveur des entreprises, ce qui touche donc tout ce qui est conjoncture économique, tout ce qui est innovation, tout ce qui est export, les sujets de fiscalité, les sujets juridiques. Donc en fait, je suis dans le même, je traite les mêmes sujets avec des experts que j'interviewais parfois, mais maintenant ce sont eux qui écrivent. Donc c'est, intellectuellement, c'est très intéressant. Très intéressant. Moi, j'ai commencé ma carrière journalistique en 1995, donc ça ne me rajeunit pas. J'ai commencé dans des services politiques de différents médias. Hein. J'ai commencé au Parisien. Ensuite, je suis passé en agence de presse, à Associated Press précisément, qui est une agence de presse américaine. Et j'étais correspondant pour cette agence à l'Élysée et à Matignon, et mon travail consistait à suivre le chef de l'État et le Premier ministre. Et ensuite, je suis rentré dans un journal assez connu qui s'appelle Le Journal du Dimanche, où j'ai travaillé pendant 8 ans. D'abord au service politique, parce que c'est ma, on va dire que c'est ma base. Et j'ai progressivement glissé, ou me suis plus intéressé à l'investigation, parce que je trouve que c'est ce qui est franchement intéressant. Et en 2008, j'ai quitté le Journal du Dimanche pour devenir pigiste, c'est-à-dire freelance, et travailler pour différents supports, donc Le Canard Enchaîné, Le Nouvel Observateur devenu l'Obs, Le Point, Les Inrecuptibles, bref, différents supports, parce que j'ai le sentiment, en tout cas, que c'est plus simple de travailler en étant indépendant, autonome, sans une rédaction qui est tenue par un pouvoir économique, pour essayer de chercher des sujets, essayer de trouver des sujets, et si possible, essayer de le partager avec le public, son public, un public. Quand on vous entend, Denis Boulard, une question vient, c'est les sujets viennent-ils à vous, ou allez-vous vers les sujets, ou c'est un cocktail des deux? La variété sous-entend-elle de votre part une grande curiosité, un appétit de comprendre dans quantité de secteurs, ou y a-t-il malgré cela un fil rouge que vous arriveriez peut-être à nous définir? Alors, je pense d'abord qu'il y a plusieurs choses, enfin, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier élément, effectivement, c'est dans ma vie quotidienne, un sujet peut m'interpeller. Par exemple, j'ai travaillé sur le tabac parce que j'ai perdu un oncle du cancer. Néanmoins, il y a sans doute un fil rouge, qui est un fil rouge financier. C'est-à-dire que si on reprend les notaires, c'est la profession la plus puissante de France parce que c'est une profession qui fait énormément d'argent. Si on prend les cigarettiers, ce sont des gens qui font beaucoup d'argent, mais surtout les labos pharmaceutiques qui nous proposent des produits pour nous aider à sortir du cancer. L'économie des radars automatiques, ben son titre le dit lui-même, hein, c'est est-ce que c'est rentable pour l'État ou est-ce que ça sauve réellement des vies? Il y a toujours un fil rouge économique, je crois. Vous avez sous les yeux, entre vos mains, un objet dont vous êtes l'auteur. Voulez-vous bien nous faire les présentations? Alors, L'argent de la terreur, c'est un livre que l'on a écrit avec donc Denis Boulard, qui est un ami, qui est journaliste, et Guillaume Perrier, qui est un fin et un excellent connaisseur de la situation au Proche-Orient. Il a été pendant de longues années correspondant pour Le Monde à Istanbul. Il est turcophone. Et donc, on a décidé de se lancer au plus fort de la montée en puissance de Daesh, de se pencher un petit peu sur la façon dont cette organisation terroriste se finançait, et comment ses ramifications à travers le monde se finançaient, notamment en France. Malheureusement, il y a eu un fait d'actualité qui était les attentats de novembre en 2015, et donc c'était bon, voilà, malheureusement collé à l'actualité, mais bon, on a travaillé, on a continué à travailler. C'était pas toujours très facile. Les langues se délient parfois, parfois non, parfois on nous laisse enquêter, c'était une vraie enquête, c'était très intéressant de se pencher sur ce sujet-là. Denis Boulard, quand on vous entend parler politique ou des affaires que vous traitez, elles sont essentiellement de prime abord nationales, en l'occurrence françaises. Pour une enquête comme celle dont nous allons parler aujourd'hui, on est obligé d'ouvrir des portes de l'international. Alors, comment fait-on et comment avez-vous fait vous-même? Vous vous êtes mis à jour d'une certaine manière, vous avez fait des international updates? Alors, pour cette enquête, on était trois à travailler sur cette enquête. Je crois que le travail d'investigation est un travail qui nécessite d'abord un carnet d'adresses, Et donc de faire ça depuis quelques années me paraît indispensable pour trouver réellement des éléments d'information un petit peu inédits. La répartition était relativement simple en fait. Entre Fabien Pilloux et moi, c'est logique. Fabien est plus économiste, je suis plus politique. Donc notre carnet d'adresses n'est pas exactement le même. Il peut se recouper de temps en temps, mais ce n'est pas le même. Et on a fait appel à Guillaume Perrier, qui est donc un journaliste, lui, qui a travaillé pendant extrêmement longtemps, notamment pour le journal Le Monde, en Turquie, et qui, lui, s'est occupé de tout ce qui est reportage sur place. Il est allé pour le livre, pour nous, il est allé en Turquie et en Syrie. Comment écrit-on à quatre mains, a fortiori à six ? Oh bah c'est assez simple, quand les gens s'entendent bien, c'est assez facile de se répartir les tâches, hein. C'est très très simple en fait. Moi j'ai une spécialité économique, on va dire que Denis a ses entrées dans le monde politique, dans le monde judiciaire, et Guillaume était l'homme de terrain. C'était assez simple. Il était inconcevable pour Denis et moi, qui étions donc tous les deux allés à l'origine du projet, de faire une enquête sur Daesh à partir de Paris. Uniquement de Paris, on n'est pas là. Enfin, ça n'avait pas de sens. C'était pas assez crédible pour nous. Donc, il nous a fallu trouver quelqu'un qui connaissait le terrain, qui allait sur le terrain. Et ce fut le cas de Guillaume Perrier, voilà, par nos connexions, qui a accepté de travailler avec nous. Et chacun sa partie. Et sachant que tout le monde se relisait, on a vraiment travaillé en très très bonne intelligence, sans aucune anicroche. Non, c'était formidable. Après, il a fallu harmoniser les styles, mais c'est aussi quelque chose que l'on fait. On est journaliste depuis une vingtaine d'années, donc en fait, ça pose pas réellement de problème. Fabien Pilloux, à ce même micro, affirme que écrire à quatre, voire à six mains, ça va de soi, de l'instant que on est à peu près. Qu'on fait le focus sur le même objet, c'est après des petits arrangements sur stylistiques, dirons-nous. Alors partagez-vous ce point de vue, Denis Boulard, ou y apportez-vous votre contribution et votre éclairage. Alors j'ai travaillé avec Fabien donc sur deux livres, un livre sur le patrimoine national français, savoir si on était ou non envahi par les étrangers, qui est une sorte de leitmotiv de certains partis politiques français. Et on a travaillé ensuite sur cet argent de la terreur, donc sur les terroristes. Nous réfléchissons actuellement à un troisième livre. D'abord, je crois que c'est une question de confiance l'un envers l'autre, d'envie de travailler ensemble. Envie de se revoir, envie de se retrouver. Envie de se retrouver, Fabien est un ami. On raisonne de façon similaire pour beaucoup de choses, on se complète pour beaucoup d'autres choses. Mais Fabien n'est pas le premier avec lequel j'écris à quatre mains. Hein. Mon premier livre d'enquête un peu travaillé sur les notaires, on l'a fait avec une journaliste du Figaro, qui est une amie. Et on ne travaille pas tous de la même façon, parce qu'on ne cherche pas de la même façon. Je pense que chaque journaliste a sa manière d'appréhender le travail. Et c'est très intéressant, me semble-t-il, de travailler de façon complémentaire et de venir s'aider mutuellement, se compléter sur certaines approches. Quand on fait une interview seul avec quelqu'un, on lui pose les questions en fonction de sa culture, de son passé, de son histoire. Lorsqu'on est deux, c'est beaucoup plus intéressant parce que certains mots ont des résonances différentes, certaines approches différentes. Et puis, il y a du fluide qui passe. Il y a une sorte de courant ou d'instinct ou de, je ne sais pas, de confiance en l'autre, me semble-t-il. Et on se confie plus ou moins facilement à certains. Êtes-vous déjà arrivé à écrire avec quelqu'un qui n'avait pas du tout, qui ne partageait pas du tout les mêmes idées que vous ? C'est difficile comme question parce que en parallèle du travail d'investigation et d'écriture de livres d'investigation, je fais aussi ce qu'on appelle plume. Donc je travaille pour des gens qui me payent pour écrire pour eux. Et il m'est arrivé plus souvent d'ailleurs. L'autobiographie de Staline, c'est vous ? Non, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Il m'arrive de refuser de travailler avec quelqu'un. Parce que effectivement cette relation ne passe pas, parce que je n'ai pas envie de prêter mon maigre savoir à quelqu'un dont je n'estime pas les valeurs ou dont je ne partage pas les idées du tout. Si son idée est complètement à l'opposé de la mienne, je n'ai pas cette maturité ou cette intelligence pour me fondre dans ses chaussures et écrire à sa place ou penser à sa place. J'ai besoin d'avoir d'abord une certaine estime pour la personne et par ailleurs être capable un tout petit peu de comprendre ce qu'il est en train de m'expliquer. Travailler avec Fabien est très simple, parce que nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais la confrontation se fait de façon intelligente. C'est-à-dire qu'on peut en discuter, on peut ne pas être d'accord, on essaie de se convaincre l'un l'autre, et de mémoire, maintenant ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, hein, de mémoire on n'a jamais eu de problème de rendu, parce qu'on s'écoute mutuellement, parce qu'on se fait confiance. Voilà, donc c'est un exercice relativement simple, dès lors qu'on connaît l'autre. histoire vivante, cette semaine, l'argent de la terreur. Suite des entretiens avec Denis Boulard et Fabien Pilieu. Denis Boulard, comment arrivez-vous à ce projet d'enquête qui va paraître sous forme de livre, édition First, L'argent de la terreur? Il faut préciser, en effet, rappeler que ce livre est déjà paru il y a 2 ans, sauf erreur, et donc évidemment, avec l'actualité que l'on sait, un certain nombre des informations qui y sont contenues sont désormais à mettre au passé. On parle notamment des budgets annuels, par exemple. Cela étant, on va tout remettre au présent, un présent qui daterait de 2016. Vous, le bouquin date, j'imagine en tout cas dans son projet, un peu avant. Comment vous y venez? Qui amène ça à l'autre? Est-ce que c'est des concordances d'esprit? Je pense qu'à l'époque, je voudrais pas me tromper dans les souvenirs, mais je pense qu'à l'époque, on est dans un contexte particulier en France. Il me semble que le projet, je le propose à Fabien quasiment au lendemain des attentats de 2015, qui ont frappé donc la France, notamment un journal qui s'appelle Charlie Hebdo. Et qu'à ce moment-là, avec Fabien, on a toujours un peu la même grille de lecture, c'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention de faire une analyse politique, on n'a pas la prétention de décrypter Daesh. En se disant, on est nous capables, occidentaux, de comprendre comment ça fonctionne. On essaie juste de comprendre comment nous, occidentaux, nous pouvons éventuellement, par notre comportement, nos attitudes, favoriser une organisation terroriste. Et le livre a pris toute sa mesure ou toute son importance lorsqu'on a constaté que nous avions sur notre sol national français des gens issus de nos banlieues, ayant grandi chez nous, étant possesseurs de papiers d'identité française, menant des attentats au nom d'une religion qu'ils connaissent mal ou peu, et acceptant même d'aller jusqu'au sacrifice suprême en se faisant sauter, ce qui n'est pas dans notre culture, ce qui n'est pas, en tout cas pas a priori dans notre culture. Et ce qui nous a interrogé l'un et l'autre, dont moi je crois à te souvenir, que j'ai proposé l'idée à Fabien et que Fabien a trouvé que l'idée était intéressante dans la mesure où on voulait essayer de comprendre le cheminement et comment nous on pouvait à notre place apporter notre contribution. Fabien Pilieu, si vous le voulez bien, on va essayer de parler du livre au présent, même si effectivement cette enquête remonte déjà à quelques courtes années, mais cette histoire-là va tellement vite qu'on peut considérer que un grand nombre de choses sont désormais métamorphosé et changé. Revenons donc à la grande période pour Daesh notamment, mais également pour Al-Qaïda, et essayons dans un premier temps de cerner les principales sources de financement. Si j'ai bien suivi votre livre, on est dans des sources extrêmement variées qui vont du pétrole à la prise d'otage, en passant par le coton, le blé, la drogue, le tabac, le racket, j'en oublie sans doute. Comment d'ailleurs arrive-t-on à tracer ce qui, on peut l'imaginer, par définition, entend être le plus invisible, le plus obscur possible? Alors effectivement, il y a une partie invisible. Mais pour ce qui est de la situation financière et économique du territoire que recouvrait Daesh à cette époque, c'était en fait assez simple, sachant que quelques études ont été faites sur le sujet par des spécialistes. Et par ailleurs, on savait où se trouvait Daesh, on connaissait géographiquement les frontières de Daesh. Et c'était donc assez simple d'essayer de trouver, de recenser un petit peu ces options économiques. On sait aussi, le gouvernement irakien continue à payer par exemple les fonctionnaires des territoires occupés par Daesh. Ça, c'est une chose qu'on explique dans le livre. C'est également le cas dans les parties occupées par territoire syrien occupé par Daesh. Donc ça, c'est des choses comme ça. Donc on connaît ce qu'il y a dans les sous-sols irakiens. Donc après, on fait des estimations qui ont été faites par les experts. Après, ça, c'est la partie physique, c'est la partie tangible des forces économiques et financières de Daesh. Après, pour tout ce qui est invisible, malheureusement, on part de des attentats ont lieu. On estime les coûts, c'est ce qui a été fait par la police, par la justice française. Et on s'est rendu compte que la somme la multiplication de petites sommes ont permis de réaliser, de financer des attentats. Mais ces petites sommes sont des gouttes d'eau, quoi. Sont des gouttes d'eau par rapport à la, comment dirais-je, à la puissance financière de Daesh à l'époque, qui était estimée, je crois, à 2 milliards de dollars. Le PIB annuel, 2 milliards de dollars. Donc plus. Ça, vers 2015-2016. C'est ça, tout à fait. Ouais, ouais. Comment définir ce mode de financement, puisque Daesh a voulu se présenter comme État? Est-ce qu'on peut parler d'une certaine forme de financement classique étatique, et par ailleurs un financement comme celui que vous venez de définir, qui ressemble bien plus au financement des organisations criminelles type mafia qu'on peut trouver par exemple en Italie, par la multitude des rackets et des extorsions? Je crois que pour la très très grande majorité des populations qui ont vu Daesh contrôler leur territoire, je crois que ça a été malheureusement subi, Daesh s'est payé sur la bête. C'est-à-dire corruption, racket, extorsion. Ils ont effectivement procédé à des kidnappings quand les gens ne voulaient pas coopérer. Tout simplement, ils se sont comportés comme des brigands de grand chemin, sauf qu'ils avaient un territoire immense à leur disposition. Ils ont les entreprises qui étaient nationalisées irakiennes et syriennes, ils en ont pris le contrôle. Même chose pour les entreprises privées. Ils ont pris le contrôle de toute l'économie, tout simplement. D'ailleurs, j'ai vu un chiffre qui m'a étonné dans votre ouvrage, Fabien Pilius, c'est le pillage vis-à-vis des personnes représente 45% de leur budget. C'est une somme considérable. C'est une sorte d'impôt. Le taux de prélèvement obligatoire chez Daesh s'est élevé à 45%. D'où ma proposition d'une sorte de financement relativement classique d'un État. Mais ils ont fonctionné comme un État, à tel point qu'à un moment, il fut envisagé de créer leur propre monnaie, le dinar or. Ils ont voulu devenir l'État du Cham, c'est-à-dire un État à part entière avec... Alors, ils n'en étaient pas encore au point à envisager des relations diplomatiques avec les autres pays de la région du monde entier. Mais l'idée, c'était de fonctionner avec une armée de fonctionnaires, avec une armée classique, avec un fonctionnement tout à fait classique d'un pays, quoi. Tu vois qu'il n'y avait pas beaucoup d'ambiguïté sur ce point-là. Sachant qu'il y avait tout de même une volonté d'expansion, hein. L'idée, c'était quand même d'aller jusqu'en Méditerranée, et puis, voilà. Alors, vous, Denis Boulard, vous travaillez sur quel angle du livre? Vous rappelez que vos préoccupations principales sont d'ordre politique. Ça veut dire que vous allez vous pencher sur quel dossier est-ce notamment, ou sont-ce notamment, ces relations multiples que l'entité Daesh va entretenir avec des pays limitrophes, non seulement les pays limitrophes, mais également les pays en eux-mêmes, puisque à l'époque, la Syrie et l'Irak sont les lieux où Daesh s'est largement implanté. En fait, moi, mon carnet d'adresses va nous permettre à Fabien et moi de travailler auprès des forces de l'ordre. C'est-à-dire que quand je parle de politique, en réalité, quand vous suivez un homme politique en France pendant quelques années, vous finissez par connaître extrêmement bien leur entourage de sécurité. Et que cet entourage de sécurité, il est évolutif, que ces gens-là ont des carrières, et que, bon, ça fait donc quelques années que je fais ce métier-là, et donc que j'ai des contacts, évidemment, à peu près dans tous les services de police de France, ce qui me donne l'opportunité, parce que ce sont pour la plupart des amis, l'opportunité d'essayer de comprendre où on en est, nous, à l'époque, en France, d'ores et déjà dans la connaissance de Daesh, et dans la connaissance et l'analyse économique de Daesh. Alors, que vous disent-ils, à ce moment-là? Dans un premier temps, en fait, il y a eu deux phases dans l'enquête, mais comme très souvent d'ailleurs dans un livre d'enquête, il y a eu deux phases. Il y a une première phase où vous posez des questions et vous n'avez pas de réponse. Parce que, par ignorance ou par mutisme volontaire? Par volonté de ne pas... c'est une volonté politique qui ambitionne de ne pas semer la panique en nous montrant que notre consommation va favoriser un certain type de terrorisme. On est confronté dès le départ à une difficulté assez simple, en fait. C'est que le terrorisme, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, auquel on est aujourd'hui confronté, est un terrorisme low cost. C'est un terrorisme où ça ne coûte strictement plus rien de devenir un assassin. Nous sommes très très loin des attentats du World Trade Center, où ça coûte un demi-million d'euros de former les pilotes kamikazes et d'organiser toute l'infrastructure. On en revient à Ravachol, anarchiste au XIXe siècle, qui, avec très peu de moyens, pouvait quand même semer la mort et la désolation. Oui, et malheureusement, les moyens d'aujourd'hui sont supérieurs à ceux de Ravachol. Et donc, pour 30 000 euros, on a les attentats du Bataclan. À peu près, hein, c'est difficile d'évaluer de façon extrêmement précise. L'explosion d'Internet, ce qu'on appelle le dark web, qui est donc une phase cachée d'Internet, permet à tout à chacun de se procurer qui d'explosifs, qui un manuel pour fabriquer une ceinture d'explosifs, qui une Kalachnikov. Avec Fabien, nous sommes allés jusqu'au bout. On ne l'a pas acheté, évidemment, matériellement, mais nous sommes allés jusqu'au bout de l'expertise pour voir si on pouvait acheter effectivement sans grande difficulté une Kalachnikov, et c'est pas très compliqué, et ça ne coûte pas extrêmement cher, tout étant relatif par ailleurs, mais entre 1500 et 2500 euros, vous trouvez une Kalachnikov vous permettant d'aller semer la mort. En combien de temps? Trouver le matériel? Alors nous, on était assez mauvais, hein, pour être très honnête, sur le dark web, mais une fois que vous vous faites accompagner par un hacker, ça vous prend moins de 48 heures. Après, évidemment, il y a le délai de livraison. Les impondérables. Les impondérables de la Poste. Mais non, malheureusement, dans un premier temps, donc pour répondre à votre question initiale, dans un premier temps, on est confronté à cette difficulté très simple. C'est que le terrorisme devient extrêmement menaçant dès lors que le terrorisme low-cost prouve que tout à chacun, que notre propre voisin peut devenir un assassin. Et donc, dans un premier temps, on a beaucoup de difficultés à remonter de l'information dans la mesure où on ne veut pas que ça se sache plus que ça. On ne veut pas semer la panique, je pense. Non pas nous, hein, mais le pouvoir politique. Et donc, les gens qui travaillent pour l'administration française et n'ont pas envie d'eux. Dans un deuxième temps, confrontés malheureusement aux attentats qui se succèdent, les langues se sont déliées, les portes se sont ouvertes, et on a réussi à remonter de l'information, on a réussi à glaner de l'information, parce qu'effectivement, il y a une prise de conscience, je pense, étatique, et de tout à chacun, de se dire, il faut que les gens sachent que c'est faisable, que c'est facile, et que c'est extrêmement dangereux. Demain, nous retrouverons Denis Boulard et Fabien Pilieu pour la suite de ces entretiens. Cette semaine est réalisée par Thierry Châtel. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, avec la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoutez et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.